Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 41. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 18 juin 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es l'idole des jeunes, tu es rocker belge, tu es Harley Davidson, tu es souvenir au souvenir, tu es David Lansky et tu es aussi... Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es Jean-Philippe Smet ou tu es Johnny Hallyday, c'est comme tu veux. Jeudi dernier, notre Johnny National a donc fêté son 63e anniversaire quelques jours après avoir débuté l'une des plus grosses tournées de toute sa carrière. Elle totalise 114 dates dans toute la France, 800 000 billets ont déjà été vendus et cette incroyable tournée ne se terminera qu'en mars 2007. Alors, à l'heure où Johnny semble définitivement increvable, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'essayer de percer le mystère qui se cache derrière ce monstre sacré. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de Johnny Hallyday. Pour commencer, du golfe Drouot aux premières tournées mondiales, il faut se souvenir des débuts qui ont façonné la saga de Jean-Philippe Smet. Ensuite, nous te proposerons un voyage fascinant et ludique dans l'univers des fans de Johnny Hallyday. On enchaînera sur une interview exclusive de l'imitateur Yves Lecoq qui viendra nous parler de la célèbre marionnette des Guignols de l'Info. Et puis, il ne faut jamais oublier que Johnny Hallyday, ce n'est pas que la musique, nous te prouverons que Johnny est partout. Et enfin, te raconter comment Johnny sème régulièrement la zizanie entre Monique et Jean-Claude qui ne partagent pas les mêmes idoles. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et sois rock'n'roll. Je suis dans le noir, j'ai du mal à croire au gris de l'ennui, et je te crie, oh, oh, oh, oh. Je ferai tout pour sauver notre amour, tout jusqu'au bout. Si un mot peut tout changer, je le trouverai. Rien que pour nous. Noir c'est noir, s'extasie Johnny Hallyday sur l'album Génération perdue en 1966. Et l'idole des jeunes a bien raison parce que c'est bien connu, noir c'est souvent noirci, blanc c'est parfois blanchi, mais jaune c'est toujours jauni. Johnny Hallyday, bien sûr. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de revisiter un monument national, un chef-d'œuvre du patrimoine franco-belge, l'inusable Johnny Hallyday. Et nous allons voir tout d'abord comment Jean-Philippe Smet est devenu en quelques années l'idole des jeunes. Dans le 9e arrondissement de Paris, le 15 juin 1943, Huguette et Léon Smet sont heureux de vous faire part de la naissance du petit Jean-Philippe, un beau bébé qui n'a que quelques mois quand ses parents se séparent. L'enfant est alors confié à sa tante paternelle, Hélène Marre, une danseuse, c'est du propre. Le petit Jean-Philippe est élevé dans une France libérée, bien sûr, mais aussi dans le monde interlope du spectacle. Et c'est très jeune qu'il monte sur scène avec un pseudonyme. Fini Jean-Philippe Smet, tu m'étonnes, maintenant c'est Johnny Hallyday. Et oui, l'Amérique est alors à la mode. Dans les années 50, la France se reconstruit avec l'aide américaine du plan Marshall. Le Coca-Cola et les chewing-gums apparaissent dans les épiceries et le jeune Johnny Hallyday va au cinéma voir Lovin' You avec Elvis Presley. C'est la révélation, Johnny, il sera rocker. Il fréquente alors le Golf Drouot, le temple du rock à Paris. Johnny prend des cours de guitare, c'est le temps de l'insouciance et de tous les espoirs. Non. Enfin, assis comme ça pour des amis. T'aurais le trac ? La première fois, sûrement. Devant un vrai public, j'aurais très peur. Viens, on va tenter l'expérience. Yeah. Alors, on connaît la suite. C'est fulgurant. Johnny est remarqué en 1959 dans l'émission télévisée Paris Cocktail. Il signe chez Vogue, puis les tubes s'enchaînent. Souvenir, souvenir, l'idole des jeunes ou encore Retiens la nuit. Le début des années 60, ce sont les yéyés et le temps des copains. Et pour Johnny, c'est le succès en quelques mois. Mais son ascension fulgurante est quelque peu ralentie durant quelques mois par le service militaire. En 1964, à 21 ans, Johnny rejoint le 43e régiment blindé d'infanterie de marine à Offenburg, en Allemagne. Il profite tout de même d'une permission pour enregistrer quelques chansons. Clyde, hand in whom blue jeans, mein Vater war auch Spieler, bekannt in New Orleans. Ach, que c'est beau. Pendant son service, hyper médiatisé, le caporal Johnny bénéficie d'une permission exceptionnelle de 12 jours en avril 1965 pour une raison tout aussi exceptionnelle. Ils étaient plusieurs centaines, des milliers même, et c'est dans une ambiance exceptionnelle que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ont répondu aux questions traditionnelles de Monsieur le maire. Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, ici présente. Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, ici présent. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Voilà, Johnny et Sylvie, qui se sont rencontrés 3 ans plus tôt, se marient en avril 65 et deviennent un des couples emblématiques des 60s. Puis en août de la même année, c'est la quille. Johnny peut alors reprendre à plein temps sa carrière, il enchaîne les succès et les tournées, comme par exemple en Afrique, 1966. Johnny Hallyday tout bronzé, la poitrine rouge même. Bronzé non, encore rouge, pas encore en bronzé. Alors comment ça a marché sur le continent africain ? Oh, formidable, public terrible. Mais un public particulier, un public de noir, c'est la première fois oui. Pour toi. Eh bien, tu sais, le public de noir swing. Bah oui, parce qu'en fait, c'est le premier public. C'est le précurseur des chansons rythmées, enfin du jazz et du rhythm and blues, ce sont les noirs. Avant Presley, avant Little Richard, les noirs venaient d'Afrique, évidemment. Oui. Alors comment réagissent-ils au rock ? Formidable. Le plus grand compliment qu'on ait pu me faire là-bas, il y a un noir qui est venu avec des copains à lui qui m'a dit « Johnny Hallyday, on vous aime bien parce que... » parce que vous chantez comme un noir. Ah oui, alors, c'est un très grand compliment. Alors venant de la part d'un noir, je pense que c'est un des plus grands compliments qu'on puisse faire. C'est dingue comme il imite bien l'accent africain, Johnny. On dirait Michel Leeb. Johnny, c'est l'idole des enfants du baby-boom et de la France des 30 Glorieuses. Johnny, il est partout, au sommet des tops, à la télé et bien sûr dans les magazines, qui n'hésitent pas à relayer ses frasques sentimentales car c'est bien connu. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny. Johnny réussit à s'imposer comme la star française, peut-être d'ailleurs la seule vraie star que nous ayons. Car Johnny, il fait partie des quelques artistes français qui peuvent partir chanter à l'étranger, même au-delà du rideau de fer. Et c'est pour cela que Johnny, il a une réelle compétence en géopolitique. Les pays de l'Est, c'est la première fois qu'un rocker chante là-bas. Un rocker français, oui, mais il y avait déjà eu les Jeunes et Moses qui étaient venus avant. Et les jeunes, tu peux décrire le jeune de derrière le rideau de fer, comment est-il par rapport aux jeunes français? Là, tu vois, la plupart des jeunes là-bas ont les cheveux longs, seulement comme en France, ils ne sont pas butés. C'est-à-dire ceux qui ont les cheveux... Il y a deux classes en France, il y a ceux qui ont les cheveux normaux et qui aiment le rock, il y a ceux qui ont les cheveux longs qui aiment que le folklore. Là-bas, ils ont pensé dire presque tous les cheveux longs, seulement ils aiment aussi bien le folklore que le rock. Et tu leur as parlé dans quelle langue, en français? En français et en anglais. C'est mon tour de chant, je le disais d'abord en français, puis ensuite je le traduisais en anglais. Pour ceux qui ne comprenaient pas le français. Et en polonais, en tchèque? Moi, je ne savais dire que merci beaucoup. C'est-à-dire qu'en polonais, on dit dziękuję bardzo, et en tchèque, on dit dziękuję pięknie. Dziękuję beaucoup, Johnny. Alors voilà, durant sa carrière, l'idole des jeunes a connu toutes les salles, tous les honneurs. Il a chanté devant les puissants de ce monde et il a fait des duos avec les plus grands. Johnny s'est construit comme une star et il a su drainer des millions de fans. Mais alors, malgré une vie si bien remplie, Johnny est-il vraiment heureux? Michel Lancelot, il lui a posé la question à Johnny en 1975. Quelle a été ta plus grande joie dans ta vie? Vraiment ta plus grande joie? Ma plus grande joie. Je peux t'aider un peu? Est-ce que c'est le premier jour où t'es monté sur une scène, ou le jour où t'as eu un enfant? Non, je crois que ma plus grande joie, c'est le jour où j'ai touché ma première voiture, c'est-à-dire une Triumph TR3. Eh bien voilà, Johnny, il a des joies simples. Une bagnole fait tout son bonheur. On te l'a dit, Johnny, c'est une star. Et une star, ça n'a peur de rien. Ce n'est pas comme ces nouveaux chanteurs qui ont même peur des baisers comme on prend peur des araignées. J'ai pris peur de tes baisers comme on prend peur des araignées. Je ne savais plus où me planquer. Le fond du trou, l'envie de gerber. Je n'ai toujours pas payé la facture d'électricité. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? Nous ne sommes plus les mêmes depuis samedi dernier. Tu sais, je l'avais pourtant rangé avec l'échographie du bébé. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes. J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer depuis que je me suis fait licencier? Je perds la tête dans mes pensées, j'en oublie même de te toucher. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. Je n'ai plus l'écorce, j'ai perdu mon âme. J'ai perdu la foi, j'ai perdu le charme. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes. J'ai perdu la foi, j'ai perdu l'âme. J'en arrive même à t'oublier, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara. J'en arrive même à te maudire, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara. La facture d'électricité, c'est ce que chante Christophe Miossec, le Johnny des Bretons, sur un album intitulé « L'étreinte ». La facture d'électricité parce que si un jour tu décidais toi aussi de produire un concert de Johnny au Parc des Princes par exemple, eh bien commence tout simplement par prévoir ton budget EDF. Alors pour continuer notre exploration de la mystérieuse planète Johnny Hallyday, après avoir survolé les moments forts de ses débuts, il est temps désormais de te proposer un voyage fascinant dans l'univers des fans les plus authentiques de Johnny. Eh oui. Comme chacun sait, depuis 1962, les gens l'appellent l'idole des jeunes. Il en est même, paraît-il, qu'il l'envie. Mais savent-ils vraiment que parfois dans la vie, Johnny, eh bien, il s'ennuie. Cela dit, voilà maintenant plus de 40 ans que le rocker belge est au service de son public qu'il transcende sans cesse. Résultat, la totalité de ses albums vendus est estimée aujourd'hui à 80 millions, c'est énorme. Et par exemple, lorsque Johnny organise un concert gratuit au pied de la Tour Eiffel le 10 juin 2000, ce sont encore 800 000 personnes qui viennent acclamer cette légende vivante qui a traversé toutes les époques. C'est ainsi, Johnny Hallyday est immortel. D'ailleurs, outre son talent, c'est sans doute ce fantasme de l'artiste éternel qui déclenche cette frénésie passionnelle chez les admirateurs de Johnny. Et le mieux pour en saisir toute l'ampleur, c'est de commencer par écouter un fan de Johnny, un vrai, un authentique. Bah Johnny, c'est le seul qui est capable d'avoir en France la dimension d'un Presley. Et c'est celui qui, il y a 20 ans, nous faisait pleurer quand on était dans la cour de récréation. C'était notre grand frère, c'était les Harley Davidson, c'était tout ça pour nous, c'était les bastons, c'était tout ça. Maintenant, si on prend 20 ans après, Johnny, ça peut être Michel Berger, c'est Jean-Jacques Goldman, etc. C'est quelqu'un qui peut-être n'équipera ses textes, on n'en a rien à foutre. C'est quelqu'un qu'on lâchera jamais, c'est quelqu'un qui, le jour où il crèvera, on aura tous envie d'aller sur sa tombe. Johnny, c'est le plus grand, c'est le seul qu'on ait eu. Il n'y en a pas un en France qui soit arrivé là. C'est la bête de scène, c'est la plus grande. C'est 12 000 personnes en délire au Palais des Sports en 73. C'est l'énergie brute, c'est l'émotion, c'est celle qui vous arrive là, c'est tout. Et oui, pour certains, notre Johnny, c'est Dieu, tout simplement. D'autant qu'il faut bien avoir à l'esprit que le cercle des fans de Johnny ne se limite pas à la grande foule des anonymes. En réalité, tout le monde aime Johnny, des plus petits aux plus grands et jusqu'au plus haut sommet de l'État d'ailleurs. Mon cher Johnny, pour moi un grand privilège de te voir avec une cravate. Et je dois dire que ce sera pour moi un souvenir, et je dirais un souvenir chaleureux. Jean-Philippe Smet dit Johnny Hallyday. Du génie, chacun le sait, mais aussi de la sensibilité, de l'émotion, un cœur gros comme une maison, quelqu'un qui aime. La vie, la France, le monde, les jeunes, les moins jeunes. Étonnante personnalité, c'est le moins qu'on puisse en dire. Ainsi, pour président Chirac, si tout le monde aime Johnny, c'est surtout parce que Johnny aime tout le monde. Cela dit, président Chirac n'est pas le seul homme politique d'envergure nationale à être fan de l'idole des jeunes. Souviens-toi de Jean-Pierre Raffarin. Si, il fut Premier ministre il n'y a pas si longtemps. Eh bien, Jean-Pierre, lui aussi, voue une admiration sans borne à Johnny. Cela dit, attention, être fan de Johnny, ce n'est pas non plus tous les jours facile. Dans mon grenier, j'ai une collection de Johnny. Et ce matin, je me lève... Une collection quoi ? Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin... Qui ça ? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. Je suis un très grand fan. C'est un acteur américain ? Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday. Le plus grand chanteur français de tous les temps, là. Désolé, je sais pas qui c'est. vous ne savez pas qui c'est. Hein? Pardonnez-moi, je voudrais parler à un homme maintenant. Un fonctionnaire de police avec une matraque, un képi, un homme. Et je vous conviens pas? Non, pas vraiment, c'est une affaire d'homme, soyez gentil. Excusez-moi. Bonjour monsieur, quel est votre problème? On m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday, sans compter la collection complète d'objets collector. Excusez-moi. Les disques de qui? Vous le faites exprès là, non? Mais c'est quoi ce bordel? Je vous parle de Johnny Hallyday! Bon, je reviendrai, d'accord? Je reviendrai, je vais aller prendre l'air. Dans ces moments-là, en effet, pour un fan de Johnny, il vaut mieux aller prendre l'air. Et pourtant, sincèrement, je ne vois pas qui peut encore aujourd'hui ne pas connaître Johnny Hallyday. Car, comme chacun sait, Jean-Philippe Smet met toujours son talent au service de tous et du plus grand nombre pour les grands événements populaires. Voilà, sans transition, aujourd'hui, l'équipe de France de football est réunie à Clairefontaine. Cette équipe a déjà perdu la Coupe du Monde. Regardez pourquoi. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout, votre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. Johnny, tu peux baisser la musique là parce qu'on essaye de se concentrer. Bah quoi ça? Je pensais, si tu veux vraiment nous supporter, le mieux c'est que tu chantes avec Francis Lalanne. Mais là-bas, dans les tribunes... Quoi ça? Non, pardon, c'était juste une connerie, oh! Ah, que merci, Joël Batz. Hein. Johnny, il va chanter pour toi. Oh, les champions! Au passage, outre la confusion ici entre Joël Batz et Fabien Barthez, on se souvient que Johnny, par le passé, a également confondu Zazie et Zizou en équipe de France. Mais bon, la véritable question finalement, c'est de savoir comment Johnny lui-même juge tout cet amour fanatique qu'il reçoit sans cesse. J'ai un ami, moi, c'est tout. Un seul. Vraiment. Mon meilleur ami, c'est moi-même. Alors, nous voici donc arrivés à mi-chemin de notre exploration de la planète Johnny. Et pour en savoir un peu plus sur l'immense popularité de notre idole nationale, nous avons joint cette semaine au téléphone un homme qui le connaît bien, si on peut dire, à savoir l'imitateur vedette des Guignols de l'info, Yves Lecoq. Pour commencer, nous lui avons demandé comment Johnny avait-il réagi quand il avait découvert sa célèbre marionnette caricaturale. Réponse, juste après le jingle. C'est cadeau. Ça a été très très mal vécu par Denis, ses fans, etc. Moi j'ai eu effectivement les retombées de ça, parce que les Guignols à l'époque, on ne faisait pas le détail, c'était Lecoq, parce que j'étais le seul non connu de l'équipe. Donc j'ai failli même y laisser des plumes, c'est le cas de le dire, puisque ses fans m'ont attendu un jour à la sortie pour me faire la peau, en sachant que je faisais du tort à leur idole, puisque c'était la réelle. On le rendait entre guillemets ridicule, puisqu'on riait sur cette fameuse formule à queue, quoi. Donc ça a été, bon, à l'époque, difficile à vivre pour Johnny et pour les autres, apparemment. Bon, il se plaignait toujours, ma fille, ceci. Et puis, il a exorcisé ça, parce qu'il s'est aperçu quand même que les Guignols lui avaient amené un regain de popularité, dont il avait peut-être à cette époque-là besoin, parce que Johnny s'était déjà commencé à être justement d'une autre époque. Et dans les années 90, il est redevenu tendance grâce aux Guignols, quoi. Et il a compris, et il est venu faire amende honorable à Canal, en coupant le nez de sa marionnette qu'il trouvait disproportionnée, etc. Même si c'était contraint et forcé, sous les conseils de son entourage, il l'a bien fait, parce que c'était la seule attitude à avoir. Et c'est la seule attitude à avoir avec les Charles des Guignols, surtout pas prendre au sérieux, quoi. Mais alors, au-delà du bienfait qu'ont eu les Guignols pour Johnny, comment expliquez-vous, Yves Lecoq, que Johnny Hallyday soit immortel? Parce que c'est un génie, c'est tout. C'est un cas, un phénomène, ça on veut le dire comme ça. Donc, Johnny, je pense qu'il... Vous voyez, maintenant, c'est plus, on ne peut pas dire il va durer, il dure, il est éternel, quoi. Donc, parce qu'il y a tout dans Johnny. Il y a la sage, comment, cette grande naïveté avec qui perdure avec l'expérience de sa vie, la grande générosité, les excès en tous sens. Pourquoi est-ce qu'il est là? Alors, qui va le remplacer? Voilà, alors, mettez quelqu'un à la place de Johnny, et vous verrez qu'il n'y a personne. Salut, c'était Johnny. Pour la panique, que je me mange un palace. Je refais. Salut, c'était Johnny pour la panique qui mange un palace. Que c'est bon là? Changes, changes, you're in my mind and I... said. Changes, changes, you're in my closet and I can clean it. You're not here to stay, I can hear you clear. You're not here for fun, so let you in. Changes, changes, oh, you're my devil's dirty and mean. Changes, changes, you knock at my door and then you stand still. I'm the only one to hear you call. I'm not ready yet to make you frown, but I will. Oh, I will, but I will. Yes, I will. Changes, changes, you're blowing my mind, blowing my will. Changes, changes, my little monkeys, I know you're real. I'm the only one to hear from you. I know one day I'll have to see you through. And I will, oh I will, and I will, yes I will. I can't tell the color, but I know one day I'll let you in. I can tell the fragrance, I can tell the smell, I can tell the thrill. But I will, oh I will. Changes, c'est ce que chantent Dillinger Girl and Babyface Nelson sur un album intitulé Bang Changes, parce que des vestes à franges au costard à paillettes et des blousons noirs à la panoplie du Papa Poule, Johnny Hallyday est sans conteste un de ceux qui aura le plus changé de look. Alors, pour poursuivre notre route sur les traces du célèbre chanteur abandonné, il est temps maintenant de se rendre compte que notre Johnny Hallyday dépasse allègrement l'univers de la musique. Oui, en réalité, Johnny est partout, il est sur tous les fronts. Avant tout, le Johnny, c'est une force de la nature. Plusieurs fois, il aurait dû rompre sous les coups du destin, mais il est increvable. En octobre 1968, il se casse le pied lors d'une tournée à Johannesburg en tombant dans la fosse d'orchestre. Rien à faire, il poursuivra cette tournée avec une jambe dans le plâtre. En 1970, il est victime d'un grave accident de voiture, mais il s'en sort indemne, protégé des dieux. En août 1980, il est ensuite victime d'un malaise cardiaque sur scène et pendant sa convalescence, il apprend par les journaux qu'il est mort, mais non, car Johnny est immortel. Le secret de cette longévité exceptionnelle, c'est que le Johnny, avant d'être un rocker, c'est un aventurier qui aime l'exercice physique. Il s'entretient, il pousse de la fonte, il se livre sur scène tel un boxeur sur le ring, et parfois, il se lance des défis. Ainsi, en janvier 2002 par exemple, il n'hésite pas à traverser le désert africain jusqu'à Dakar. Le plus facile, ce serait d'en rire, parce que Johnny est arrivé ce matin à l'heure où d'ordinaire, on fait la fermeture des boîtes de nuit à Saint-Tropez ou à Paris. Bref, c'était pas la joie, morceau choisi. On a tout eu. Voilà, je me suis foulé le poignet dans les dunes, le volant, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux, on a cassé encore un truc. Il est cassé. Bah, le ressort à droite, plus toute la roue. Vous l'aurez compris, on peut être un octambule et passer une mauvaise nuit. Johnny Hallyday et René Medj ont perdu 8 heures sur le vainqueur de l'étape parce que sur le sable chaud, Johnny Hallyday n'est pas Laurence d'Arabie, mais un simple amateur. C'est quoi, on était bien là? Bien sûr, le plus facile serait d'en rire, car chaque jour qui passe est une épreuve. Mais qu'importe, entre un bon coup de volant et une réplique bien sentie, Johnny reste Johnny. Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Oui, Johnny. C'est d'une logique implacable. Du coup, avec cette condition physique exceptionnelle, il ne faut pas trop venir se frotter à l'idole des jeunes. Si tu le chauffes un peu trop, le Johnny, tu l'auras bien cherché, l'ami. Quand un mec vient et puis qu'il me dit pédé une fois, ça va, je laisse passer. Il me dit pédé deux fois, je laisse passer. Trois fois, c'est trop. Alors, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Puisque tu as dit que ça ne te gênait pas, finalement, que tu étais tout à fait tolérant dans ce domaine. Oui, mais enfin, quand même, il y a des moments où tu n'as pas envie de te faire traîner pédé trois fois. C'est le chiffre 3 qui te gêne. Oui, c'est pas le 3. Porte malheur le 3. Eh oui, le Johnny pourrait bien te coller une raclée. Cela dit, en général, M. Hallyday, c'est un non-violent. Il préfère mettre sa pugnacité au service de son business. C'est ainsi que depuis longtemps déjà, Johnny est blindé d'oseille et qu'il aime flamber son argent. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelques mois, certaines langues de vipères ont fait circuler la rumeur que si Johnny souhaitait désormais renoncer à la nationalité française pour devenir belge, c'était surtout pour pouvoir se domicilier à Monaco et ainsi échapper au fisc et aux impôts. Mais bon, cette rumeur est bizarre car, en tant que musicien, Johnny doit bien savoir que... Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phone, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Certes, Johnny aime l'argent et il veut toujours en gagner plus. Mais c'est pour de bonnes raisons car c'est un être généreux. Et surtout, il aime faire plaisir aux femmes. Oui, Johnny, c'est également un beau gosse, un grand séducteur. Et à chaque fois, que ce soit Sylvie, Babette, Nathalie, Adeline ou Laetitia, pour Johnny, c'est toujours la même passion, délicate et intacte. Alors, depuis ses 40 dernières années, on l'a bien compris, Johnny apprécie la présence des femmes autour de lui. Mais il ne faut jamais oublier non plus qu'avant toute autre chose, Johnny, c'est un ami fidèle pour ses potes. Mais disons que pour moi, une femme, ça compte moins qu'un ami. Moi, avec une femme, j'aime bien faire l'amour, toi, mais ça se bande là. Tu ne lui attribues pas d'autre rôle que celui-là, en fait. Je m'entends beaucoup mieux avec les mecs, c'est-à-dire je m'amuse beaucoup mieux avec les mecs. Je ne veux pas prendre une cuite avec une femme. D'abord, j'ai horreur d'une femme qui boit, je trouve ça vulgaire, je trouve ça moche. Alors qu'avec un copain, ça n'a aucune importance, toi. Du coup, le Johnny a toujours préféré la nuit. Du papa Gaillot à Saint-Tropez, aux fêtes blanches d'Eddie Barclay, il a souvent retenu la nuit dans son agenda. Mais bon, comme il ne s'arsouille qu'avec ses potes, à l'aube, quand il rentre chez lui, pour Johnny, c'est toujours la même histoire. La croise tous les matins, 5h40, elle va prendre son train, et moi je rentre. Eh oui, Laetitia commence sa journée toujours à l'heure, alors que pour Johnny, c'est la lumière qui lui fait peur. Cela dit, depuis quelques années maintenant, avec Laetitia justement, c'est un peu différent. Johnny semble s'être assagi, il a trouvé une stabilité, un équilibre. D'autant plus que pour la troisième fois il y a 2 ans, il est devenu père en adoptant Jade, une enfant vietnamienne. D'ailleurs, cette petite fille contribue à cette stabilité, car elle a trouvé le moyen de faire culpabiliser son père quand il est absent de la maison depuis trop longtemps. J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les Craven, ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Ce n'est sans doute pas facile d'être la fille de Johnny Hallyday, car même s'il est sans aucun doute un père rempli d'amour, Johnny est partout à la fois. Il se lance sur le Paris-Dakar, il ne vit que la nuit, son anniversaire c'est avec 80 000 personnes qu'il le fête. Par ailleurs, Johnny vend des lunettes. Et puis parfois, il fait aussi du cinéma. Il a même tourné avec le maître Jean-Luc Godard dans Détective en 1984. À l'époque, le cinéaste fut sceptique quant au choix de Johnny pour le rôle. C'est alors qu'après leur première rencontre, à la fin du dîner, le grand Johnny alla trouver le petit Jean-Luc pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun problème. Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Oui, c'est sûr, Johnny a une sacrée gueule, une gueule d'ange endiablé. Personne, bien au-delà de la musique d'ailleurs, n'a pu lui résister, pas même Jean-Luc Godard.

impossible d'échapper à Johnny Hallyday. Et oui, c'est comme ça. On est tous des enfants d'Hallyday. On a tous plus d'amour que de regrets. Si t'es né à Paris, USA, toi tu es un enfant d'Hallyday. Bon, d'accord, on est tous des enfants d'Hallyday. On l'admire tous. Peut-être aussi parce qu'il peut tout se permettre, Johnny. Ses liaisons dangereuses, ses maladresses langagières, ses excès... Bref, nous, ça nous fait rire. Mais quand tu es réellement un enfant d'Hallyday, parfois, ce n'est pas si facile. Souvent, David, Laura et Jade, ils aimeraient bien crier... Hey, chaguez pas mon papa, soyez sympa, soyez sympa. Charriez pas mon papa. Hey, le regardez pas comme ça, parce qu'il a bu un coup de trop, parce qu'il sait plus trouver ses mots. Mais non, Johnny est loin d'être un chanteur abandonné. Certes, parfois il fait le vide dans sa tête, mais il ne change pas, car comme chacun sait, ça ne change pas un homme. C'est la vie qui veut ça. Mais il ne change pas, car comme chacun sait, ça ne change pas un homme. C'est la vie qui veut ça. Mais pourquoi on l'aime tant, ce Johnny? Eh bien, parce qu'il est libre dans sa tête, parce que pour lui, sans cesse, la vie va commencer, et parce qu'il fait partie de nos souvenirs, souvenirs quand nous, parfois, on a oublié de vivre. Et puis, surtout, Johnny, c'est le plus fort pour... Johnny allume le feu, même au Mangin Palace. Voilà, fin du 41e épisode, c'était C'est qui Johnny Hallyday, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure Total Foutraque et Archi Loufoque. C'était Panique au Mangin Palace, Radio Mix, ça a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, alias Maître Yoda. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Philippe Duclos, merci beaucoup à lui. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Amel Galdi et Catherine Pinto. Pour les Scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA. Un dernier mot juste pour vous dire que cette émission consacrée à Johnny sera rediffusée le samedi 26 août entre 10h et 11h sur France Inter pour clore le feuilleton consacré à Johnny Hallyday tout l'été sur notre antenne, le samedi matin donc. Par ailleurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que durant tout l'été, les 9 meilleurs épisodes de La Panique au Mangin Palace seront rediffusés à la même heure, au même endroit, autrement dit le dimanche entre 11h et midi sur Inter, et enfin disponibles en podcast, c'est bonheur. Pour toutes les informations complémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash de midi, vous retrouverez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Le succès est quelque chose qui n'est jamais...